AXA, premier assureur des pros. Tenons, mortaise, onglet, elle travaille le bois. Moi, j'y comprends rien, mais tant qu'elle se blesse pas... Soutenir sa fille, pour Thierry, ça va de soi. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Est-ce que tu te rappelles de comment était Sam ? Ah oui, je m'en souviens bien. Il était comment ? Il était plutôt beau. Il était préoccupé. Les nuits sont des moments de terrifiants, en fait, parce que très souvent, ils se retrouvent en camp. On s'attend des rescapés, que ce soit des personnes qui ont appris quelque chose de leur souffrance, de leur trajectoire, et qui ont quelque chose de très profond à nous communiquer. Ce souvenir de Sam, une série d'Antoine Tricot, réalisée par Séverine Cassard. 8e épisode, disparaître. Paris, le 30 septembre 2022. Monsieur, suite à votre demande, veuillez trouver ci-jointe la copie du dossier de Monsieur Mandelbaum Samuel. Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre disposition, je vous prie de recevoir, monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. Docteur Pierre de Maricourt, chef de service. Pour qu'une enquête aboutisse, il ne faut pas seulement que ce que l'on cherche existe encore. Il faut également que l'on puisse y avoir accès. Certaines traces de la vie de Sam dorment probablement dans des lieux oubliés de tous. D'autres sont dissimulés à jamais par des secrets trop lourds. Quand j'ai fait la demande du dossier de Sam à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne, je dois avouer que je n'en attendais pas grand-chose. Le secret médical est délicat. On a le droit de demander le dossier d'un patient 25 ans après sa mort, mais pour cela, il faut déjà qu'il ait été conservé aussi longtemps. Parfois, l'institution en question juge que certaines choses sont trop sensibles pour les communiquer. Recevoir une grande enveloppe Kraft de la part de l'hôpital a donc été pour moi une première surprise. Mais découvrir qu'elle contenait un témoignage de 4 pages qui ne peut avoir été écrit que par Rolande de Pape, la compagne de Sam, a dépassé toutes mes attentes. Je rencontre Sam à 17 ans, dans les auberges de jeunesse. À l'époque, il est très gai. Mais ayant un passé de cancer à l'école, son père l'envoie à l'Académie de la Grande Chaumière. Tu seras peintre. En 1940, professeur de classe élémentaire générale en Normandie, je cours les fermes. Les paysans me vendent le beurre, la crème, les pommes de terre. Ma tante revend un peu de ce beurre au marché noir à ses clientes. Elle est modiste. Et de cette façon, je peux recevoir les illégaux. Nous travaillons sous le couvert des auberges de jeunesse, avec des résistants de tous bords, des juifs, etc. Cette lettre sonne comme une conclusion. Elle confirme une grande partie des informations que j'ai rassemblées durant cette enquête sur la vie de Sam, celle de ses parents, celle de Marie-Rose et celle de Rolande. Elle parle de l'implication de Sam dans le mouvement des auberges de jeunesse et de son engagement dans une résistance qui ne se préoccupait pas vraiment de l'obédience politique. Mais j'apprends aussi de nouvelles choses. Le fait que Sam a étudié à l'Académie de peinture réputée de la Grande Chaumière, le fait que Marie-Rose a fait du marché noir pendant la guerre, et j'ai enfin des explications sur la relation quasi-maternelle que Marie-Rose avait avec Sam. En 1942, on oblige les Juifs à porter l'étoile. Les parents de Sam m'ont adopté. Ils m'appellent leur fille. Ils ont fait connaissance de ma mère et de ma tante, et reprochent à leur fils de ne pas vouloir porter l'étoile. Je leur apporte régulièrement du ravitaillement. Mais en 1942, les parents de Sam sont à Drancy. Ils me lèguent toute leur toile. Après, elles seront brûlées. Il m'en reste une. Je remets à Sam leurs montres et leurs alliances qu'ils ont laissées chez les voisins. Comme chaque trace de la vie de Sam que je trouve, ce témoignage de Rolande soulève de nouvelles questions auxquelles je n'ai pas de réponse. J'aimerais tellement savoir comment les tableaux de la famille de Sam ont été brûlés. À quelle occasion? Par qui et quand? J'emmène Sam et un camarade juif à Arles, en traversant par la montagne, et bien sûr en payant le passeur. Je leur dis que quand j'aurai des cartes d'identité, ils reviendront. Nous convaincons des institutrices secrétaires de mairie de nous aider. Elles ont des cartes d'identité et des cartes de ravitaillement. Nous les ligotons, posons un flacon de chloroforme auprès d'elles, et prenons carte et ticket. C'est moi qui dirige. Sam choisit le nom de Jean-Marie Rondeau. Papa, dit-il, avait le dos rond. Et il propose son atelier pour entreposer notre journal, La Vérité. Je suis enceinte de 4 mois et demi et accouche de triplé. Sam fabrique de faux billets de train pour que nous transportions La Vérité. Un instant, je suis soufflé par ce qu'écrit Roland. Non pas par le fait que le pseudo de Sam a été choisi en hommage à son père, mais bien par cette phrase, si étrangement formulée et placée là entre parenthèses. « Je suis enceinte de 4 mois et demi et accouche de triplé. » Et si Sam avait été père? À la relecture, il me semble que Roland a dû faire une fausse couche. Mais qui sait? Je ne sais pas de quand date cette lettre. Je ne peux faire que des suppositions, mais j'imagine que Roland l'a écrite tardivement, quand elle était déjà âgée. Je ne suis pas sûr de pouvoir me fier totalement à ce qu'elle écrit. Parfois, elle se trompe de date, et parfois, je ne comprends pas du tout ce à quoi elle fait référence. C'est alors le projet de l'imbécile expropriation de mars 44 qui nous fait arrêter pour tentative de cambriolage à main armée et reconstitution de ligue dissoute. Les copains font des cours de trotskisme au commissaire. On tabasse les hommes qui sont en cellule. Les femmes sont en garde à vue, mais pendant 10 jours. 1 heure assise, 3 heures au garde à vous. Sam nie. Moi aussi. Je menace les flics qui me traitent de sale putain de ghetto en leur disant qu'on est en 44 et que certains risquent dans un certain temps de se retrouver à notre place. Puis, n'en pouvant plus, je monte au 4e étage et essaie d'ouvrir la fenêtre. On me tire de là et le lendemain, je suis relâchée. Mais en juillet 44, les camarades sont déportés. Je reçois de Sam un petit mot jeté du train et ramené par un cheminot. Je me demande ce qu'est devenu ce petit mot. Roland a-t-elle légué à quelqu'un ce qu'elle possédait? Selon son acte de décès, elle est morte en 1994 à Nogent-le-Rotrou, dans une maison de retraite. Je leur ai adressé une demande pour savoir si elle avait eu des héritiers. Sans succès pour le moment. Dans cette lettre, sur 4 pages, seule la dernière est consacrée à la vie de Sam après-guerre. De 45 à 47, Sam vit avec moi, de briquet de broc. Je suis permanente du Parti communiste internationaliste rue Daguerre. Il est coursier bénévole pour le parti. Puis, nous nous séparons, bons amis. Je vais à ses expositions. Il raconte à ses mères, Marie-Rose et René, ses exploits amoureux. Mais à 38 ans, il se prend pour Jésus-Christ, brise le toit de sa verrière et veut monter au ciel. Voyant sa main pleine de sang, il appelle la police et se retrouve 1 mois et demi en cellule fermée à l'hôpital, cure de sommeil. Le psychiatre de service le déclare incurable. Il se convertit au catholicisme en grande pompe et travaille dans une abbaye agricole. Puis un jour de lucidité, me dit en hurlant « S'il n'y a pas de ciel, je ne reverrai jamais mes parents adorés. » Cela fait 2 ans maintenant que l'histoire de Sam habite ma vie. La promesse faite à ma grand-mère sans réfléchir s'est épanouie au point de prendre toute la place dans mon quotidien. J'ai patiemment ramassé les cailloux blancs que Sam a laissés derrière lui. Malheureusement, je n'ai toujours rien trouvé au sujet de cette hospitalisation en psychiatrie dans les années 60 que décrivent Roland et ma grand-mère. Ce moment a été une rupture pour lui que je peine encore à comprendre. J'ai demandé de l'aide à la psychologue Nathalie Zajd. Elle travaille au centre d'ethnopsychiatrie Georges Devreux, où elle anime une cellule d'aide pour les survivants de la Shoah et leurs descendants. Je lui ai envoyé tout ce que j'avais trouvé, le dossier de Sainte-Anne, l'article de ma grand-mère, les photos des tableaux de Sam, en espérant qu'elle pourrait me donner les réponses que je n'ai pas. C'est très compliqué de parler de la psychologie et du psychisme de quelqu'un qui n'est pas là. Alors vous me le faites découvrir, du coup moi je... Ça y est, je m'attache à lui, mais c'est par votre intermédiaire, Antoine, parce que moi, je ne le connais pas. Je m'attache à lui du fait de son histoire, parce qu'il a une histoire qui ressemble à l'histoire de pas mal de survivants et de parents, d'enfants cachés, d'orphelins de la Shoah que je connais. Et puis aussi parce que c'était un artiste et que vous m'avez fait découvrir les œuvres, certaines de ses œuvres, et que pour certaines d'entre elles, je les trouve très belles. Et voilà. Et donc, C'est un être qui m'a séduite par votre intermédiaire. Maintenant, dire comment il était, qui il était, d'un point de vue psychologique par rapport à ma profession, je vais avoir beaucoup de mal. Effectivement, l'exercice que je vous demande est compliqué. On ne peut pas, j'imagine, refaire un diagnostic de Sam a posteriori. Est-ce qu'on peut émettre des hypothèses? Par exemple, en 1959, il est pris en tant qu'artiste peintre dans une expérience avec des drogues hallucinogènes, dont la psilocybine, qui est un dérivé des champignons hallucinogènes. Et Jean-Jacques Lebel, qui participe aussi à cette expérience et qui connaît Sam, dit que c'est à partir de ce moment-là que son expérience à Auschwitz est revenue le hanter. Est-ce que la prise de drogue, ma grand-mère aussi parle de prise de drogue régulière de Sam, ont pu faire remonter des choses de son expérience concentrationnaire? Alors oui, ça c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui est connu sous le nom de Katsetny qui a écrit un livre dans lequel il raconte les séances de narcoanalyse qu'il a eues avec un psychiatre hollandais à la même période, je crois que c'est la fin des années 50, et il raconte ces séances parce qu'elles ont été enregistrées. Et alors, ce qu'il dit, pour répondre à votre question, ça réveille des visions, enfin ça réveille, ça provoque des visions terribles. En fait, il s'arrête au bout de 4 ou 5 séances parce qu'il trouve que c'est trop difficile. Et ce qu'il dit dans son livre, c'est qu'à la suite de ce traitement, il rentre en Israël, les cauchemars dont il était la proie depuis sa déportation, ça c'est un des traits des survivants des traumatismes, et en l'occurrence des survivants des camps de concentration, c'est que les nuits sont des moments terrifiants en fait, parce que les nuits, très souvent, ils revivent leur traumatisme, ils revivent des scènes telles qu'elles ont été vécues, donc c'est pas des rêves, c'est des cauchemars. À nouveau, ils se retrouvent en camp. Et donc, il raconte qu'à la suite de ce traitement, il ne faisait plus vraiment de cauchemars. Les visions d'horreur, le vécu des camps de concentration, c'était en pleine journée. C'est-à-dire qu'il était dans la rue en train de marcher, et ce qu'il revivait avant, pendant la nuit et pas dans la journée, là, ça revenait en plein jour. Et donc, c'est fort probable qu'à la suite de cette expérience psychiatrique, Sam envahi par des sensations, des visions, des hallucinations qui, au bout d'un moment, vous embarquent dans des comportements de type psychotique, oui, et même de passage à l'acte. À partir des documents qu'on a, on peut effectivement émettre l'hypothèse du fait que, pendant une période, une quinzaine d'années après-guerre, Sam n'a pas forcément revécu en permanence, ou en tout cas n'a pas parlé en permanence de son expérience concentrationnaire et que c'est revenu dans les années 60. Est-ce qu'on peut aussi se dire que peut-être des événements ont pu ramener ou amener Sam à se remémorer ses souvenirs? Parce que, a priori, sa crise de démence et de paranoïa, je ne sais pas comment l'appeler, qui a eu lieu dans les années 60, qu'il a conduit à l'hôpital psychiatrique, c'est un moment aussi où la société revit ces moments. En 61, il y a le procès Eichmann, qui quand même remet le sujet des violences concentrationnaires et l'extermination des Juifs au centre de l'attention. Est-ce que voilà, ces événements ont pu aussi contribuer à l'état de Sam dans les années 60? Je ne sais pas bien vous répondre, parce que en fait, moi, je n'ai pas rencontré de survivant qui est à ce point refoulé et tout d'un coup, un beau jour, dans les années 60, se rappelle qu'ils ont été déportés. Maintenant, qu'est-ce qui a pu être à l'origine ou causer ce qu'on appelle une décompensation? Ça peut être un événement amoureux, difficile. Ça peut être un événement de vie que je ne connais pas. Maintenant, le procès à Eichmann a été un moment fondamental dans la vie des survivants. Mais pour dire que tout d'un coup, les choses sont revenues à ça. J'ai du mal à penser ça. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, les survivants que j'ai rencontrés et tous les enfants de survivants, j'en ai vu énormément, j'en vois toujours, vous disent que la Shoah était quelque chose de permanent à l'intérieur de la maison. Alors, à l'occasion du procès à Eichmann, j'imagine qu'ils en ont parlé plus, mais ça a toujours été là. C'est-à-dire que le premier traumatisme, il est très bien décrit par Primo Levi, il est très bien décrit par d'autres auteurs, où du jour au lendemain, la personne n'est plus qui elle était, mais elle est transformée en victime absolue, en esclave, en morceau de bois, en numéro. Elle perd son identité, elle perd ses repères, elle perd sa capacité de manger normalement, d'aller aux toilettes. Enfin, tout l'être physique, biologique, psychique est radicalement cassé, transformé, devenu une espèce d'être en devenir mort, quoi. Ils sont en train de mourir. Et puis ensuite, pour les rares survivants, on leur dit « Ah ben non, ça y est, ça s'arrête. C'est fini maintenant, tu reviens. » Et au fond, le retour, dans l'autre sens, alors dans l'autre sens, il n'y a pas d'autre sens, on ne revient pas comme avant. Eh bien, on pourrait appeler ça un second traumatisme, ou alors en tout cas une transformation radicale à nouveau de leur être, une nouvelle transformation, eh bien cette nouvelle transformation n'a pas eu lieu. C'est comme ça que je m'explique. Le fait qu'ils retournaient en camp chaque nuit, parce qu'en fait, ils n'avaient pas quitté le camp du point de vue de leur propre transformation personnelle, de leur être physique et psychique. Et c'est ce qui me fait penser que certains sont morts très vite au lendemain de la libération des camps, de maladie. D'autres se sont suicidés. Et puis d'autres ont tenu, comme Primo Levi, comme Jean Améry, comme Bettelheim, enfin, il y a des gens qui ont tenu très très longtemps en retournant en camp régulièrement la nuit, en fait, en étant toujours en camp, enfin, en menant une espèce de double vie, quoi. Et je me dis que ils ont tenu peut-être que ils gardaient l'espoir, en quelque sorte, qu'un jour on pourrait les transformer véritablement, que leur être serait enfin libéré, enfin transformé et libéré, et puis que ce n'est pas venu, et puis que ils sont repartis dans la mort, quoi, avec les morts, avec leurs camarades, avec les martyrs, enfin, avec ceux qui n'ont jamais cessé de les accompagner, au fond. Sam s'est suicidé en janvier 1988. Il avait 64 ans. J'ai pu le confirmer auprès de l'Institut médico-légal de Paris. Dans le dossier de l'hôpital Sainte-Anne, il y avait une autre feuille, funeste d'une certaine manière. Elle retrace 4 consultations de Sam avec un psychiatre, de septembre à novembre 1987. Les notes du médecin laissent apparaître la souffrance de Sam à cette époque, les hallucinations, l'agitation, la culpabilité de n'être pas mort à Auschwitz et la vieillesse qui arrive. Mais cela n'explique pas tout. Ce qui l'a conduit à mettre fin à ses jours est profondément complexe. Et je suis loin d'avoir tous les éléments pour pouvoir le comprendre. Tellement de choses m'échappent encore. Par exemple, tous les témoignages que j'ai trouvés sur Sam ont un point commun. Tous soulignent à quel point il était un grand dragueur. Tous mentionnent ses conquêtes féminines et le fait qu'il aimait en parler. Je ne sais pas trop quoi faire de cette information. Et pour être tout à fait honnête, elle me gêne un peu. Je me demande si son expérience concentrationnaire a eu des conséquences sur sa masculinité et sur sa relation aux femmes et aux hommes, et à quel point tout ça était équilibré. J'ai donc adressé cette question à l'historienne Elissa Mailander, dont j'ai suivi durant mes études les séminaires sur l'histoire des sexualités et l'histoire du genre durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui beaucoup de déportés ou de survivants attestent, c'est que quand on est sous-nourri, il n'y a plus aucun désir de sexualité, donc on perd ce désir, les femmes perdent leur menstruation, il y a cette énorme angoisse de peut-être jamais pouvoir avoir des enfants. Donc je pense que pour les femmes, on parle beaucoup, mais ça peut être aussi la même chose pour les hommes. Donc de vivre sa sexualité après la libération, c'est quelque chose que beaucoup d'historiens ont constaté, par exemple à Tina Grossman dans son livre sur les displaced persons, donc les DP, les personnes déplacées en Allemagne libérée dans les camps américains. On voit qu'il y a des couples qui se forment, il y a des mariages qui se font, il y a des femmes qui tombent enceintes, et il y a cette volonté, la vie continue, et puis voilà, en fait, il faut regarder en avant. Se marier, faire des enfants, etc. Donc en fait, je pense que c'est quelque chose de très humain de vivre sa vie et de vivre sa sexualité, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on n'a pas ses blessures et ses traumatismes. Après, évidemment, aujourd'hui, après 2017 et les MeToo, mais déjà, si on adopte une posture féministe, ça fait longtemps qu'on comment dire, qu'on regarde cette qualifiant coureur ou séducteur avec un peu de méfiance, parce que ça peut inclure un homme entre guillemets charmant, et déjà il faut un peu spécifier ce que ça veut dire, mais ça peut aussi être un homme qui est prédateur, un homme qui est harceleur, ça peut dire beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, j'en sais rien. Je pense que faut pas non plus, maintenant, avec les catégories qu'on a aujourd'hui, trop incriminer les personnes, mais tu as raison d'être un peu en réserve et de pas prendre ce mot comme quelque chose d'amont positif et de prendre ça avec une certaine distance. Moi qui fais l'histoire du quotidien, je suis très sensible à ne pas lisser toutes ces contradictions, toutes ces incohérences dans la vie d'une personne. Donc, ça excuse rien et c'est juste un plaidoyer pour justement ne pas aplatir ces contradictions et de travailler avec ces ambivalences. J'aime beaucoup le livre « Les témoignages » de Ruth Kluger, qui est une survivante autrichienne déportée également à Auschwitz à l'âge... Elle était adolescente, elle avait 13 ans, et qui ensuite a émigré aux États-Unis et a uniquement témoigné quand elle était... C'était déjà une femme de 60 ans passés. Et son témoignage, en français, s'appelle justement « Refus de témoigner ». Et ce que j'apprécie beaucoup dans son témoignage, c'est qu'elle brise volontairement notre horizon d'attente. Parce que nous, on s'attend des rescapés, que ce soit des personnes qui ont appris quelque chose de leur souffrance et qui ont quelque chose de très profond à nous communiquer. Et elle partage nombreuses discussions très conflictuelles avec justement des collègues allemands qui sont extrêmement perplexes quand elle dit « Auschwitz n'était pas une école d'humanité, j'ai rien appris d'Auschwitz ». Donc ils sont profondément choqués de ça. Et je pense qu'on attend moins des bourreaux. Je pense que ce qu'on attend des bourreaux, c'est qu'ils se repentissent, qu'ils reconnaissent leur faute, qu'ils reconnaissent leur violence, ce qui est très rarement le cas. Et de l'autre côté, on attend des rescapés, que ce soit des personnes exemplaires, humanistes, qui sont respectueux vis-à-vis de l'autre, qui sont sans faille. Et ça, évidemment, ce n'est pas la réalité. Et donc Ruth Kluger, elle nous donne vraiment un témoignage très, très puissant, où elle refuse d'incarner ce rôle, et elle a raison. Oui, peut-être Sam aussi a refusé d'incarner ce rôle. Il n'y a pas de témoignage que je connais de sa part, donc lui non plus n'a pas voulu témoigner, en fait. Oui. Je pense qu'on a aussi, on est confronté, peut-être là, la masculinité ou l'histoire des masculinités livre peut-être une grille d'analyse intéressante, mais dans la société d'après-guerre des années 50, 60, où on reconstruit les sociétés, où dans tous les pays d'Europe, on va refaire une place aux hommes, attendre des hommes qu'ils se réinsèrent dans la société capitaliste, qu'ils apportent leur pierre à l'édifice de reconstruire l'État, notamment en France, de se repacifier et de se réviriliser. Donc réviriliser, ça veut dire aussi, dans une société européenne des années 50, de fonder une famille, de faire des enfants, de correspondre aux normes très hétéronormatives du père de famille, ce qui n'exclut pas le séducteur, mais ça, je pense, Sam, il a refusé de se conformer à ça, ce qui va bien aussi avec sa profession d'artiste. Ça fait peut-être aussi un peu part de sa posture d'artiste, d'être inconventionnel. Grâce à cette enquête, j'ai trouvé que Sam n'était pas seulement un rescapé d'Auschwitz. Si son expérience de la Shoah a été fondamentale pour lui, son identité ne s'y résume pas. Il a été Sam, Samuel Mandelbaum, Sam Handel et Jean Rondeau. Il a grandi dans un monde d'artistes, il a été trotskiste, il a découvert la vie dans les auberges de jeunesse et a résisté à sa façon. Il a aimé plusieurs femmes, dont Rolande de Pape. Il a peint, cherché et peint encore, tentant de se réinventer tout en restant fidèle à son père et à tout ce monde de son enfance détruit par le nazisme. Mais est-ce que cette image est vraiment celle de Sam? Ou est-elle seulement mon interprétation des traces que j'ai trouvées? Dans le dossier de Sainte-Anne, je trouve aussi un dernier document, un texte de la main de Sam, un poème qui me semble à la fois insensé et plein de sens. Au commencement, l'être et le connaître étaient perception de silence. L'action n'était portée que sur des termes mesurables à une élévation. Vision à l'intérieur sans bruit et agitation, ni excitation sensorielle. Le choc déclenchant le mouvement était ample examen particulier. Vint le bruit personnel, constituant des boucles de jugement engageant les conduites en perceptions individuelles. Mais le silence pouvait encore se poursuivre dans le bruit d'alentour, les réflexions morales devenant conduites d'action, attentives aux effets. Je ne sais pas si ma grand-mère et mon grand-père avaient conscience en 1957, en fabriquant le film Mademoiselle Striptease, que ce serait près de 70 ans plus tard le témoignage le plus puissant de la vie de Sam. Ironiquement, il y incarne Joe, le tenancier d'une boîte de striptease parisienne. Et pour moi, la seule valeur de ce film, c'est qu'on l'y voit de nombreuses fois. On le voit jouer avec un plaisir évident les malfrats de bas étage. On le voit bouger, rire, danser et séduire. Et on l'entend parler. Et voici le moment le plus émouvant du spectacle, le 421 Striptease. Explication. Un jeu de dés, une vedette habillée. Chaque fois que vous faites 421, vous avez le droit d'enlever une pièce du costume de la vedette. Compris ? J'ai retrouvé la trace des prouesses cinématographiques de Sam grâce à une lettre conservée par ma grand-mère. En quelques mots, mon grand-père y recommande à un de ses amis producteurs de cinéma, le comédien Sam Handel. Handel avec un E au début. Un nom de plus pour une énième facette de Sam. Et dans notre époque où Internet retient tout, il est désormais indiqué sous ce nom comme apparaissant dans 5 films datant de ces années. La mémoire du cinéma conserve donc, pour toujours, la mémoire de son corps et de sa voix. Incroyablement vivant, comme un pied de nez à ceux qui ont voulu faire disparaître Sam, sa langue, sa culture, sa famille. Et grâce à ma grand-mère, qui a tout fait pour nous transmettre son histoire, même quand on ne voulait plus l'écouter, il nous restera désormais ce souvenir de Sam. C'était Ce souvenir de Sam. 8e épisode, disparaître. Si vous avez des idées suicidaires, en parler peut tout changer. Appelez le 3114. Avec Nathalie Zajd et Elissa Mailander. Lecture, Hélène Losseur. Archivina, Odd Vassant. Ce projet a reçu le soutien de l'aide sélective aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques du ministère de la Culture. Merci à toutes les personnes nombreuses qui m'ont aidé dans mes recherches et dont la liste est sur le site de l'émission. Prise de son, Lucien Lefebvre, Thibaut Nassimben, Jacques Azubert et Christophe Papon. Mixage, Éric Boisset. Stagiaire, Alice de Roche-Lallemand. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire d'Antoine Tricot, réalisé par Séverine Cassard.